Yeah, I hear ya. The world's got you down. Life ain't easy. But who said it would be? Just remember to take care of yourself. And save some time to unwind your mind. Salut, vous écoutez audioblog.fr, le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Qu'on entend s'appelle Jack Butler. Sa chanson s'appelle All in My Mind, Trou dans mon esprit, et c'est un peu la tonalité de ce fichier qui parle du traité constitutionnel, du référendum, de l'Europe et autres gaudrioles du genre. Dans mon esprit parce qu'elle me rend schizophrène, cette histoire de traité constitutionnel. Selon l'expression consacrée, je suis pour le oui, mais je trouve normal qu'elle ait été rejetée. Je trouve légitime, voire démocratique, que le référendum ait conduit au rejet de cette constitution, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette constitution, je la trouve totalement antidémocratique. Une constitution, c'est un texte fort, fondateur, clair, sur lequel on demande à ceux qui votent de donner leur assentiment. Or, ce traité constitutionnel, c'est un texte touffu de plus de 400 pages. J'ai enregistré un fichier sur ce thème. Non seulement il fait plus de 400 pages, mais en plus, il y a eu tellement de versions diffusées qu'il est absolument impossible que tout le monde l'ait lu, en admettant que tout le monde ait eu le temps de le lire. Il est incompréhensible par un humain normal. Un petit exemple, sur France 2, je crois, cette semaine, il y avait, donc dans le cadre des résultats de la consultation, un sujet sur un lycée européen, je crois que c'était en Pologne, j'ai pris le truc en route, je n'ai pas bien fait attention où ça se trouvait, où des étudiants de toute l'Europe apprennent des choses techniques liées à l'Europe, et une des étudiantes a fait la remarque très juste suivante, c'est « Nous, on passe 4 ans à apprendre ce genre de choses, et au bout de 4 ans, on n'est même pas sûr d'avoir tout compris, donc il est illusoire de demander à des gens qui bossent, et donc qui ne peuvent pas consacrer 10 heures par jour à l'étude de ce traité, de le comprendre. » Premier point. Deuxième point, le traitement de ce référendum a été une catastrophe, non seulement du côté des politiques qui ont tous été plus lamentables les uns que les autres, mais également du côté des médias qui, à quelques rares exceptions près, se sont contentés de servir de caisse de résonance aux gaudrioles politiques. Un petit exemple, une semaine avant le référendum, soit donc plusieurs mois après le début de cette affaire, je regardais un soir une émission pas mal par ailleurs de Christine O'Krent et Trans-Europe Express, où on voyait des politiques s'écharper, non pas sur les implications idéologiques de ces articles, de ce truc de 400 pages, ça c'est normal, mais sur leur contenu technique. Ça donnait des trucs du genre « pour changer telle chose, il faut une assemblée plénière » et à ce moment-là, il y avait un gars tout agité qui se levait « non, c'est pas vrai, il faut pas qu'elle soit plénière, il faut machin, etc. » Je trouve absolument lamentable, si on considère que ce traité est important, que tous nos partis ne se soient pas mis d'accord dès le départ sur une lecture commune des aspects techniques de la Constitution. Si nos représentants ne sont pas foutus de la comprendre et de montrer qu'ils l'ont compris, on ne peut pas demander aux citoyens, aux gars qu'ils représentent, d'être d'accord avec ça. C'est donc démocratique que les gens aient dit non. Un autre exemple de ce peu de cas qui a été fait des règles démocratiques, ça aussi je l'avais enregistré il y a quelque temps, la Constitution française a été modifiée en prévision de ce référendum avant donc que le peuple donne son avis. Ce qui exprime clairement le fait que son avis, on n'en a rien à foutre. Ça tombe bien, puisque cet avis a été fortement exprimé en sens inverse. Mais c'est totalement scandaleux qu'on modifie d'abord une Constitution, qui donc est un texte fort, fondateur, important, sans savoir quel va être le résultat d'une consultation. On n'en était quand même pas à quelques semaines près. Par ailleurs, j'ai entendu dire pendant toute la campagne, et on entend encore dire maintenant, oui, mais la Constitution, c'était juste tel chapitre, tout le reste, c'est une compilation des textes existants. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait clairement? Pourquoi est-ce que la Constitution ne s'est pas limitée à ce qu'il y avait de nouveau, de réellement nouveau, en le résumant à quelque chose de lisible? Et en y indiquant que par ailleurs, ça reprenait le texte référence un tel et les textes référence un tel. Là, on aurait pu espérer que le citoyen de base puisse comprendre ce dont on lui parlait. C'est pas en réécrivant une encyclopédie qu'on risquait de donner aux gens la possibilité de comprendre ce qui se passait. Ce qui, encore une fois, n'était le cas de personne. Il doit y avoir 2-3 juristes qui sont capables de comprendre exactement les implications du truc. Maintenant, pour ce qui est du résultat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voté oui. Mais les réactions auxquelles on assiste en ce moment me débectent, notamment celles des tenants du oui, des intellectuels de bazar qui phagocytent en ce moment les plateaux de télé, les colonnes des journaux, etc., qui se font de la pub à bon compte sur les décombres de ce foirage. La tonalité donc de ces ex-tenants du oui, c'est, on peut la résumer en « c'est la catastrophe, l'Europe s'est terminée ». Et bien ces gens-là donnent raison à tous ceux qui ont voté non, et je crois que s'il fallait que je revote aujourd'hui en voyant comment ça se passe maintenant, je voterai pas oui, je voterai non, sans hésitation. Si l'Europe tenait juste à ces quelques textes qui ont été rejetés, alors effectivement ça valait pas le coup. Si l'Europe s'effondre parce qu'un texte illisible expliqué de façon scandaleuse a été rejeté, alors les tenants du non avaient raison. Avant de continuer, on va se refaire un petit blues. Le groupe s'appelle Flying Low Trio exactement. C'est un groupe de l'Indiana et la chanson s'appelle Soul Away, l'esprit au loin, et c'est un petit peu d'actualité quand même. À tout de suite. We'll be right back. pour ce qui est du résultat. Ce qui me déplaît dans cette consultation, dans ce référendum et dans son résultat, c'est qu'il est, ou du moins il semble, et j'espère que je me trompe, profondément raciste. Et ça, c'est ni la France que j'aime, ni la vision européenne à laquelle j'aspire. Et tout le monde a donné à fond dans ce racisme, dans ce populisme à deux balles qui nous ramène aux moments les plus sombres de notre histoire, des moments pourtant pas si éloignés. En 2002, une majorité de mes concitoyens votait pour le Front National. 3 ans plus tard, une écrasante majorité de mes concitoyens vote pour la peur du plombier polonais au nom d'un mensonge éhonté, celui d'une soi-disant lutte contre le libéralisme. Je suis pas du tout un libéral forcené, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais a priori, le traité de Nice sur lequel nous allons fonctionner désormais est plus libéral que ne l'était cette constitution, aussi imparfaite soit-elle. Quant à la peur de la déréglementation, il faut vraiment être stupide pour ne pas voir que c'était déjà le cas avant, sans avoir besoin de cette constitution. Et si vous voulez des exemples, c'est facile. Le mois dernier, France Télécom s'est fait épingler pour avoir recours à un sous-traitant qui emploie des ouvriers portugais sous le régime social portugais. Le mois dernier, la SEM Schooner dans le Bas-Rhin avait fait scandale avec une proposition qu'ils avaient fait à 9 employés licenciés de les reclasser en Roumanie pour un salaire de 110 euros par mois. Le même mois, donc toujours en mai, l'ICOS a proposé à 75 employés licenciés des postes en Arménie pour 350 euros par mois. Et ça, c'était sans le traité constitutionnel. Il n'y avait pas besoin de cette constitution pour ce genre de truc. Donc la peur du plombier polonais, et plus largement la peur de l'autre, et appelons les choses par leur nom, la peur du pauvre, ne peut pas se cacher derrière un pseudo-effet de ce traité, puisque les effets redoutés sont d'ores et déjà bien réels. C'est donc du racisme pur et dur, du racisme contre l'autre, du racisme contre le pauvre, et ça c'est intolérable. Ce qui est intolérable, c'est que les gens aient donné là-dedans, mais les gens qui militaient pour le oui valent pas mieux, parce que j'ai entendu personne jusqu'à maintenant dire que la liste que je viens de citer avait bel et bien lieu avant le traité constitutionnel, et là j'en ai relevé 3, si ça se trouve, il y en avait bien d'autres. C'est tenant du oui qui nous explique que parce qu'un texte n'a pas été accepté des premiers coups, toute l'idée de l'Europe s'écroule, ça donne une idée de leur vision de l'Europe, et qu'ont été infoutus d'assumer des choses qui se font déjà aujourd'hui. Que l'extrême droite soit raciste, c'est la règle du jeu, il n'y a pas de problème. Que l'extrême gauche le soit, c'est plus étonnant. Ou plus exactement, ce qui est étonnant, c'est que pour une fois, elles le reconnaissent ouvertement. Et que le fait que plus de la moitié de mes concitoyens souscrivent à ça, ça me gêne vraiment. Ma conclusion, c'est que le fait que le traité ait été rejeté, encore une fois, je trouve ça normal, pour les raisons que j'évoquais au début. On ne peut pas poser de façon idiote une question incompréhensible et s'attendre à une réponse favorable. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Mais la façon dont s'est déroulée cette campagne et ce qui semble se dégager de la réponse a en revanche un relent qui me donne envie de vomir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez m'écrire pour m'expliquer à quel point je suis un sale type et que je n'ai rien compris du tout, c'est à audioblog.fr. Et on va se quitter avec un groupe d'excités new-yorkais qui s'appelle Supermassive. La chanson s'appelle Yoon Levine. Et ma foi, à la prochaine fois. Salut !